Bonsoir, bonsoir. Bienvenue dans ce live spécial de beauté imaginée. Je vais attendre quelques instants que les auditeurs qui souhaitent rejoindre ce rendez-vous arrivent. Alors, premier auditeur, CLR. Salut Claire, salut Steven. Bonsoir, merci d'être là pour ce rendez-vous. Alors, salut Steven. Eh ben salut, moi je suis présent au rendez-vous. Coucou. Génial, génial, merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous. Comment ça va en cette belle soirée? Eh bien, ça va bien. C'est la première fois que je vais faire un petit monologue, donc c'est un peu nouveau, on va dire, mais c'est rigolo. Je vais fêter avec cette émission les 6 mois de beauté imaginée parce que ça fait maintenant, voilà, ça, j'ai commencé en avril et il y a déjà eu 25 lives. Bonsoir à tous, je vois qu'on a plusieurs commentaires. Alors, Salut qu'est-ce que c'est que Astré. cette surprise? Vous avez tous envie de savoir? Ouais. Ah, et oui, surprise, surprise. Dites-moi quel pronostic vous avez par rapport à la surprise de ce soir, puisque j'ai teasé sur Instagram notamment. Quelle est ma surprise pour fêter les 6 mois de beauté imaginée, à votre avis? Cricri, Bonjour, bonsoir. ravie d'être parmi vous ce soir. Merci Cricri d'être là, Steven. Il y a aussi mon chat Ruby qui fout le bordel. Ah. Salut Ruby, j'espérais que tu serais là pour m'écouter. Louis, bonsoir Louis. Hello à tous, bonsoir. Merci Louis d'être là avec ton thé, j'espère qu'il est bon. Qu'est-ce que tu bois? Tu m'as dit que tu buvais un thé, Steven. Ah, ça devait être Ruby qui s'exprimait, Astrée. Bah, au début, je pensais qu'il allait peut-être avoir Figure-toi que c'est un vraiment. invité mystère, mais enfin surprise, mais en fait, t'as l'air bien seul. Tout à fait. Je compte être seule pour ce live assez court et spécial. Alors, je vais saluer les invités que j'ai pas, les auditeurs plutôt, lapsus que j'ai pas encore salué. Donc, Juliette, Claire, Steven, Laurie, salut Laurie, Astrée, Cricri, Léa Carbo, salut Léa Carbo, Élise, Cécile, salut les filles, Louis et Fan Mystère. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ce rendez-vous plutôt, Louis. Et oui, et bien du coup, je bois une petite verveine tout en t'écoutant. Donc, hâte de voir le déroulé de cette émission et de voir cette fameuse surprise. Et voilà. J'ai aucune idée pour le coup pour la surprise, mais bon, on verra. Oui, alors sur Instagram, je vous ai posé la question. J'ai eu comme proposition un live spécial Halloween, un live sur un thème intéressant de beauté, un live en lien avec la nature. Mais non, ce n'est pas vraiment ça. Cri-cri. Je pense que c'est le sujet ou peut-être une synthèse de toutes les émissions. En 15 minutes, ce serait ambitieux, je pense. Est-ce que Astrée? tu vas chanter une chanson? Ah, mais c'est trop possible que tu aies fait une chanson sur tes auditeurs et tout. Ah, ce serait bien rigolo. Juliette? Bonjour à tous. Je pense que tu vas annoncer un truc par rapport à l'émission peut-être, mais je sais pas du tout quoi. Écrit cri, Alors, merci tu vas nous Juliette. offrir un grand voyage autour du monde pour tous les Ah. auditeurs fidèles. Ah ouais. Bah écoute, Cricri, si tu veux participer à ce financement, moi je suis d'accord, mais c'était pas ça pour aujourd'hui la surprise. Je vous donne un indice et comme ça vous me dites si le son est bon. Alors voici l'indice. Est-ce que ça vous inspire du coup? Est-ce que vous avez bien entendu, Ça va, ça Astrée? coûtera pas trop cher, il n'y a pas tant de fidèles que ça. Oh, la vilaine. C'est une Et très bonne idée, Cricri. Franchement, 100%, j'approuve. Steven? Juliette? Tu vas jouer un morceau de piano? Alors, Louis? peut-être une chanteuse en invité, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour la révélation. Je crois que vous ne vous êtes pas plaint du son. Donc, c'est parti pour la surprise, pour fêter les 6 mois de beauté imaginée. Je vous laisse découvrir. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Un corps, un visage, une âme. Sans peur de se révéler et de te confier quelques secrets de beauté. Et sans même la voir, pouvoir la dessiner. Imagine, imagine sa beauté. Moi, c'est un visage secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je veux qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu. Que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. Мы живем во всей планете, она чудесна и проста. Всем языкам на этом свете будет понятна красота. Ma rubrique préférée, c'est les auditeurs t'imaginent. Nos auditeurs devinent si tu chantes, danses ou pas, si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment si tu fais plus ou moins que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences partagées en transparence. Your body, your face and your soul. I'm afraid of revealing it all, disseminating the fragments of daring hope. And without any fear of seeing, like a picture your mind is painting. Imagine, imagine the beauty within. Et voilà, donc c'est un slam pour beauté imaginée. On a coécrit les paroles de cette chanson avec la très douée Claire, Claire qui l'a entièrement composée. Vous avez dû remarquer que vous ne connaissez pas la mélodie puisqu'elle l'a entièrement créée. Elle a ensuite fait traduire les refrains par Dimitri pour l'anglais, Rima pour le russe. Et les refrains de la chanson ont été magnifiquement interprétés par les auditrices Claire pour le français, Dorothea pour le russe, vous aviez peut-être reconnu, et Léa Fan Mystère pour l'anglais. Donc merci beaucoup à toutes les trois d'avoir prêté à votre belle voix et merci à tous ceux qui ont participé. Vraiment, j'adore. Je suis vraiment fière de pouvoir maintenant conclure tous mes podcasts par cette chanson. J'espère que ça vous a plu. Alors je vous écoute, Steven. Merci pour ce beau slam, franchement, bien joué. Je trouve que ça souligne très très bien les 6 mois de beauté imaginée. Ah, ça me fait plaisir, Steven. Bah, cool, ça veut dire que les paroles ont été plutôt représentatives. Toi qui as écouté beaucoup de lives, merci, merci, Cécile. Très jolie voix et puis très originale comme idée. Merci pour ça. Merci Cécile, très jolie voix, tu parles évidemment de celle qui fait le slam, bien sûr, c'est la voix qui ressort particulièrement. Louis? Bravo! Waouh! Franchement, au top, j'ai adoré. Magnifique. Merci beaucoup Louis, ça fait plaisir, ta spontanéité. Du coup, bah, tu pourras l'entendre à la fin de chaque live maintenant, Juliette. C'est super stylé. Et ouais, j'ai reconnu Claire chanter. Il chante très bien. Et il n'y avait pas Dorothea. Bah, j'imagine que si, parce qu'en plus, c'était en russe. Très stylé. Tout à fait, Dorothea en russe et Léa Fanmister pour l'anglais. Et Claire, en effet, pour la voix française. Donc, ouais, trois belles chanteuses pour Beauté Imaginée. Astrée. Alors, c'était Merci, super Juliette. stylé, mais je suis un peu vexée que tu m'aies pas demandé de participer. Ouais, t'avais proposé comme hypothèse un live Halloween, j'aurais pu t'intégrer dans cette optique. Merci. Cri-cri. C'était super, vraiment félicitations à la compositrice et aux chanteuses. Super. Merci beaucoup, Cri-cri. C'est vrai que bravo, bravo à Claire, parce que j'étais vraiment impressionnée, moi, que tu puisses créer de toute pièce une mélodie. Et j'adore. Astrée. C'est hyper stylé, je trouve ça cool que tu aies demandé un peu à tout le monde de chanter. Qu'est-ce que je voulais dire? Astrée, c'est entrecoupé, t'es encore sous le choc, vexé. Astrée, du coup, t'avais bien vu quand t'as dit que c'était une chanson. Steven? Mais j'aurais dû carrément y penser en fait avec le dernier défi que tu nous avais donné et quand on avait perdu, on avait fait un poème et je sais pas pourquoi j'aurais dû y penser. Oui, c'est vrai que j'aime bien. Ouais, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, ah, ce serait sympa de faire un slam, du coup. Ouais, j'aime bien quand les podcasts finissent par une touche musicale, comme j'ai pu vous le montrer quand notamment Dorothée a chanté plusieurs fois. Je crois que Dorothée n'est même pas là pour entendre les compliments. Bon, elle écoutera le replay des compliments. Merci, Steven Sophie. Bravo, c'est super. Très bonne idée. Merci beaucoup Sophie, merci d'avoir pris le temps d'écouter Astrée. C'est pas mal en plus d'avoir créé la chanson en entier et tout. Je veux dire, même la partie instrumentale et tout, c'est ouf. Bravo, bravo. Et c'est pas mal pour finir les trucs. Il faudra que tu mettes les paroles parce qu'on n'a pas tout compris. Ouais, tout à fait. Je vais vous expliquer juste après. Je compte faire un clip et je vais vous poser une petite question pour que vous participiez, que vous me donniez un gage par rapport à ce clip qui sera dessiné. J'écoute d'abord la suite des réactions. Alors, en tout cas, super, hein. Ça me permet de ne pas faire un monologue. Merci beaucoup. Vous êtes plutôt satisfait de cette création. Donc, je suis super contente. J'étais un peu stressée, Steven. J'avais reconnu la voix de Dorothea. Trop content. Et oui, ta partenaire lors du duel de la dernière fois de la Journée internationale de la beauté. Et cri-cri. Je rigole par rapport à la remarque d'Astrée, mais bon. Léa Carbo. Trop beau, bravo à toutes les quatre. Et c'était stylé la différence entre toutes les voix là. C'était super beau. Merci beaucoup Léa. Puis j'aime bien le fait qu'on ait plusieurs langues pour montrer le côté un peu universel. De la beauté finalement. Et en tout cas, de l'intérêt pour la beauté, c'est assez universel. Élise, salut, merci Élise. Ben en fait au début je croyais que c'était toi qui chantais aussi en français. Mais voilà, en tout cas super cool, ravie d'être dans ce live et trop bien si tu as du coup cette petite musique pour clôturer ou introduire ou les deux, je sais plus, tes podcasts, trop cool. Merci beaucoup Élise. Élise, avec qui on fera un live prochainement sur le marketing des cosmétiques, puisque tu as cette expérience-là qui sera très intéressante, je pense. Merci Élise. Juliette? Et j'ai beaucoup aimé les paroles. Bien, wesh. Surtout les paroles en russe, je pense, Juliette. Merci. Louis? Yes, un clip et tout, trop la classe. J'ai hâte de voir ça. Ouais, dans les prochaines semaines, je suis en train de réfléchir à ça. Merci, Steven. Si un jour t'as besoin d'une voix masculine, je veux bien m'y prêter au jeu, mais c'est pas dit que t'aies un super résultat. Hein. Je suis pas du tout au niveau si tu penses à moi ou à d'autres, mais bon voilà, on sait jamais. Ah bah je vais faire un duo Steven Astrée parce que tu vois elle était partante elle aussi donc on pourrait faire le contre-pied. Mais tu avais plutôt facilement réussi à faire les paroles, donc ça pourrait être pour de prochaines paroles, pourquoi pas, en tant qu'auditeur, ton approche de beauté imaginée, ça peut être une piste. GG, salut GG. Bah bonsoir à tous déjà, je suis un peu nouveau sur le live, mais j'aime bien le concept et voilà, je voulais vous féliciter du coup pour la petite musique qui était fort sympathique. Ah bah génial, merci beaucoup Gégé. Bah, bienvenue du coup sur Beauté Imaginée. Généralement, j'interviewe un invité donc en lui faisant nous dévoiler son approche d'un thème de la beauté. Donc c'est généralement ce que tu peux écouter dans ce concept. Merci Astrée. C'est pas mal comme thème marketing des cosmétiques, ça change des autres et tout, pas mal. Ouais, j'adore quand il y a le côté un peu coulisses. Je trouve ça hyper intriguant. Juliette? Si pour ton clip t'as besoin de quelqu'un qui danse bien, eh ben pense pas à moi. Dommage, Juliette, dommage. Alors, en l'occurrence, du coup, chers auditeurs, je pense à faire un clip complètement dessiné dans lequel les paroles seront visibles. Et du coup, je vous propose de m'imposer un petit gage. J'aimerais que vous me proposiez quelque chose que je devrais, un élément que j'aurais à intégrer dans les dessins. Donc, ça peut être soit quelque chose de difficile, soit quelque chose que vous trouvez stylé, ou quelque chose en lien avec beauté imaginée. Si vous avez une idée, ce serait rigolo. En fait, j'aimerais bien que voilà, vous ayez participé à ce clip et qu'il y ait un petit clin d'œil au live de ce soir. Bah, si j'ai plusieurs propositions, ça me permettra de faire un sondage sur Instagram pour faire élire le gage du coup. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je crois que j'ai encore deux commentaires. Astrée. Tu pourrais peut-être demander pour le clip à Cricri qui s'est super bien dansé. Ah, tu connais les talents de danseuse de Cricri. Bon, bah, décidément, là, il y a une toute nouvelle création à faire. On a déjà les chanteurs, la danseuse. Super, Louis. Et on ne pensera pas à toi pour la petite danse, t'inquiète pas. Désolée, Juliette. Ouais. Juliette, par contre, tu dessines très bien, donc ça aurait été possible. Ce sera pour une prochaine fois. Astrée? Alors moi, je propose un défi, dessiner de la main gauche. Et Fan Mister propose de dessiner la personne invitée. C'est pas mal aussi. Dessiner la personne invitée, c'est ça? Mais alors, qui serait quelle personne? Ouais, en tout cas, pas facile d'essayer de la main gauche, c'est rigolo. Et dis-moi en plus, Fan Mystère, du coup, sur ton idée. Bravo encore, Fan Mystère, et merci d'avoir si bien chanté. Cri-cri. Bon ben, je m'y mets tout de suite hein, pour l'entraînement, dès ce soir. Ouais, face à tant de demandes, Steven. Alors j'ai plus le nom en tête, mais comment ça s'appelle déjà le sorte de sauna qu'il y a en Russie? Dorothea nous en avait parlé lors de son premier live, il me semble. Donc ça pourrait être. Je sais pas du tout comment est-ce que tu pourrais caler ça, mais voilà, ça peut être plutôt drôle. Ah oui, bonne idée de gage. Bah, tout simplement pendant le refrain russe, du coup, dessiner le banya, puisque c'était un des grands thèmes dans le live Beauté et Russie avec Dorothée. En effet, pourquoi pas, pourquoi pas. Merci, Élise. Il y a Paul aussi qui peut faire les costumes si besoin. Ah, d'accord, je prends. Mais voilà, c'est bon, la création est en route. On va changer le concept. Maintenant, ce sera création artistique régulière. Cri-cri. Un défi, ce serait de faire l'interview en anglais. Alors, Cricri, tu n'as pas tout à fait saisi l'idée du gage, parce que je voudrais que vous m'imposiez un élément à dessiner, parce que mon clip sera complètement dessiné. Mais c'est vrai que ce serait très sympa de faire une interview en anglais à l'occasion. Ouais, il me faut juste un invité qui serait anglais. Astrée? En fait, j'ai pas trop compris ce que tu nous demandais comme défi. C'est pour dessiner quoi? Enfin, c'est pour dessiner un truc qui sera sur Insta ou c'est quoi? Oui, moi en fait, je voudrais pour poster ce slam du coup sur les réseaux, je veux un support, créer un support du coup visuel et donc une pour faire une vidéo finalement. Et dans ce cas-là, enfin ce que je souhaite faire, c'est un dessin en fait, enfin qui serait un support des paroles. Et je voulais que vous me m'imposiez un petit élément à glisser dedans, du coup. Si, comme ça serait un petit gage qui rappellerait le live de ce soir. Cri-cri? Ça s'appelle les banyas russes. Ouais, tout à fait. Merci, Cri-cri. Tu y étais déjà allé, je crois, tu nous avais raconté. Steven? Franchement, si tu dessines un chat à roues, bah, je serais content. Ça ferait référence à Ruby, peut-être. Mais en tout cas, ce serait drôle. Ah oui, sympa aussi. Si je pouvais dessiner ton chat, puisque tu nous avais raconté ces petites aventures lors du live sur les protections solaires, pourquoi pas, je prends note aussi. Je vais proposer ça au sondage sur Instagram. Ah, Claire, Claire sort du silence. Bravo, Claire, que vas-tu nous dire? Peut-être que tu pourrais dessiner en anglais. Ça aurait peut-être un intérêt. Oui, tu rebondis sur ce qu'a proposé Cricri. Oui, en effet, dessiner en anglais. Ouais, il faudrait voir quel est le sens caché de ça, de ce gage-là. Astrée? Alors du coup, moi je dis, il faut qu'il y ait un truc dans le dessin qui fasse rappeler, peut-être que tu as déjà eu l'idée, mais qui fasse rappeler chaque thème. Genre qu'on arrive avec un petit élément du dessin, de voir de quel thème tu parles, et du coup, il faut que tu fasses tous les thèmes dans le clip. Ah, je crois que j'ai besoin de réécouter ce que tu as dit. Alors du coup, moi je dis, il faut qu'il y ait un truc dans le dessin qui fasse rappeler, peut-être que tu as déjà eu l'idée, mais qui fasse rappeler chaque thème. Genre qu'on arrive avec un petit élément du dessin, de voir de quel thème tu parles, et du coup, il faut que tu fasses tous les thèmes dans le clip. Ouh, tous les thèmes des 25 lives faits, c'est ça? Ouh là là là là là là. Sacré gage, qui est une référence, ouais, 25 références, du coup, c'est ça, Steven? J'ai l'impression que je suis le seul à avoir compris en fait de quoi il s'agissait et de ce qu'il fallait proposer. Bah, du coup, c'est peut-être ton gage qui sera retenu. Je crois qu'Astrée a saisi là le gage à me proposer. Élise? Oui, donc en fait, ça doit être un truc assez généraliste qui reprend l'ensemble de ton thème, etc. C'est pas sur un invité en particulier ou un live ou un podcast en particulier. C'est quelque chose de global que tu voudrais, quoi. Oui, exactement, parce que puisque c'est une vidéo qui est censée représenter le concept de façon globale, oui, ce serait plutôt ça. Après, si bah, par exemple, l'idée du banya, c'est rigolo parce que c'était un live précis, mais ça me va aussi. Louis? Alors, tu peux griffer dans cette image un pinceau de maquillage. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? C'est moins difficile, donc ouais, je suis partante. Cécile? Tu peux essayer d'y glisser un autoportrait déjà de toi, ce serait pas mal. Dessiner, bien sûr. Ouh, ouais, pas facile ça. Pas facile du tout, ce serait rigolo. En effet. Sophie? Alors peut-être que je suis hors sujet, mais est-ce que le gage pourrait être, par exemple, que les dessins, ça soit, tu sais, comme quand t'as des carnets? Et tu les passes et ça fait comme un dessin animé là, parce que tous les dessins s'enchaînent. Et donc du coup de faire un truc comme ça où t'as plusieurs dessins et tu les tournes vite et ça fait comme si ça faisait un petit film en fait. Ah oui, je vois très bien, super difficile. Ouh là là là là, c'est ouais, c'est une idée. On verra si ceux qui votent sur Insta sont sadiques, c'est une bonne idée. Léa? Sinon, pour reprendre l'idée de fan mystère, tu dois dessiner du coup à chaque passage la personne qui a chanté. Ouh, alors là, ouais, d'accord. Essayer de la représenter en dessin. Elle va se vexer parce que je dessine de façon, enfin, en tant qu'amatrice. Mais ouais, pourquoi pas. Dis donc, vous êtes inspirée en tout cas, super. Je m'attendais à pas avoir beaucoup de réponses. Bon, du coup, ça dépasse les 15 minutes promises, hein. Astrée? Très drôle, Claire, j'adore. Ah, c'est un peu long. Cri-cri. Pourrais te dessiner toi, tout simplement. Ah! Même idée que Cécile, du coup. Pourquoi pas, Bon Steven? courage pour faire un dessin qui parle de stress et anxiété. Je sais pas du tout quelle image tu pourrais choisir. Ah ouais. Bon, après, si c'est des symboles, en vrai, ils peuvent se glisser comme ça. C'est assez drôle, je dois dire. Ça, ouais. C'est assez drôle de devoir réfléchir à un symbole rapide dans le dessin pour les 25, mais c'est ouais, c'est long. Astrée. Chaque thème égale chaque émission, je sais pas si c'était clair. Oui, voilà, donc 25 du coup. Dans l'oreillette, on me dit que c'était pas clair. Astrée. Si je peux me permettre, ça dure plus longtemps que 15 minutes ce live. Ouais, bah tu parles trop, Astrée, c'est pour ça. Élise? Alors, un défi, Alice, ce serait d'intégrer dans ton clip le nombre 278, parce que je crois que c'est ton nombre d'abonnés, ou le nombre exact de ton nombre d'abonnés, si je me trompe, sur le 278, mais de l'intégrer de manière créative dans ton clip. Voilà, à date, voilà, le jour où tu fais ton clip, tu prends ton nombre d'abonnés et tu les célèbres et tu les... Voilà, dans le clip. Ah, super idée. Ouais, c'est une très bonne idée. Bon, je crois que en fait, je vais faire trois gages hein, sur toute la liste de ce que vous avez proposé. Astrée? Est-ce que ça s'appelle pas un flipbook, ça, je crois, mais c'est une très bonne idée. Oh là Si je là, peux donner mon avis. Ah, le flipbook, c'est l'idée de Sophie, là, l'idée sadique de Sophie. Ouais, d'accord, flipbook, ok. Juliette? Si tu dois juste faire un dessin, tu fais juste le dessin de... Merde, j'arrive plus à parler. De... Comment tu visualises la beauté? Ouh, que je dessine ma représentation de la beauté. Ah, c'est difficile, c'est tellement complet au final. D'accord, à méditer, Steven. Ça, c'est une bonne idée. Si je peux rebondir, tu peux aussi intégrer la date à laquelle tu as posté le premier live. Ah ouais, d'accord. Tu rebondis sur l'idée d'Élise avec les 278 abonnés. Ah ouais. Que personne ne me demande d'écrire les 278 pseudos, hein, ça serait un peu trop compliqué. Astrée? C'est une bonne idée aussi, je trouve, et le truc de Zoob. Et ce serait. Du coup, ouais, il faut que tu fasses plus des gages. Enfin, faut pas que t'en fasses qu'un parce qu'il y a trop de propositions là. Oui, en effet, je crois que j'en prends trois. Sinon, tu peux aussi redessiner le logo. Bon, c'est un peu une idée de merde, mais vu qu'on en partage plein. Ouais, on en partage plein. Sympa de dénigrer les idées. Après, tu peux aussi intégrer tous les scores de Juliette à chaque live, qui sont assez exubérants. Sophie? Ah, mais non, c'est pas sadique. Après, il faudra peut-être faire un sondage parmi les auditeurs de qui, parmi tous tes abonnés, sait bien dessiner et pourrait t'aider à faire ça. Par contre, faut pas compter sur moi. Moi, je sais pas du tout dessiner. Pratique, pratique, Sophie. Oui, ça serait drôle, c'est vrai. Je demandais à Juliette. Astrée. Non, mais on partage plein d'idées, pas plein d'idées de merde. Ça, je le laisse pour Cricri et Juliette. Chaque personne qui est passée en thème doit dessiner un truc qui ressemble à son thème. Ouf. Ouais, mais là, faut que ce soit moi avant tout qui travaille sur cette idée. Donc là, je vais pas quand même imposer ça aux 25 invités, même s'il n'y en a pas 25, du coup, il doit y avoir une vingtaine, puisque plusieurs auditeurs, dont toi, Astrée, sont passés plusieurs fois. J'ai eu cette chance-là que vous acceptiez plusieurs fois d'être mon invité. Élise? Moi, je pense que pour beauté imaginée, il faut qu'il y ait aussi une mascotte. Et du coup, tu peux prendre ton petit chien ou plutôt ton gros chien et lui donner une bonne bouille et mettre sa bouille un peu en logo et en mascotte dans le clip et sur beauté imaginée en général. Oui, d'accord. Alors, c'est vrai que la bouille d'un Golden Retriever, je sais pas si c'est le plus. Quand on me demandait quelle était ma vision de la beauté, je sais pas si c'est tout à fait ça. Pourquoi pas comme gage? Ok, je prends aussi. Bon, bah, merci pour toutes ces idées. Je vais donc vous faire voter sur Instagram pour en choisir trois. Ça va pas être facile, mais je suis bien contente. Vous avez été hyper inspirée encore une fois. Du coup, prochain live, j'aimerais parler de la taxe rose. Vous savez peut-être, c'est le fait que les produits, notamment de beauté, coûtent plus cher en fait quand ils sont destinés aux femmes que quand ils sont destinés aux hommes. Du coup, je recherche un ou une invitée qui serait intéressée par ces notions un peu d'inégalité homme-femme, de féminisme et tout ça. Si vous avez une idée, dites-moi. Je n'ai pas encore d'invité pour ce live. Et en fait, l'écart salarial entre hommes et femmes pour un travail à temps complet. équivalent, est apparemment de 16%, en tout cas en 2017, c'était le dernier chiffre de l'INSEE. Et du coup, chaque année, vous avez peut-être remarqué, on nous dit souvent, l'année dernière, c'était le 4 novembre, ah bah à partir d'aujourd'hui, les femmes devraient arrêter de travailler parce que elles travaillent gratuitement. Donc j'aurais aimé faire ce live autour de cette date qui n'est pas encore officialisée pour 2021. Mais donc ce serait l'idée pour le prochain live. Donc si vous avez une idée d'invité et eux, c'est avec plaisir, vous pourrez me dire ça. Alors deux réactions, cri-cri et Te prêter Steven. mon chat si tu préfères un chat plus distingué. Plus photogénique. Merci, cri-cri, Très Steven. intéressant, le prochain live, je serai très certainement présent. Ah bah avec plaisir, Steven. Voilà, il n'y a plus qu'à trouver l'invité du coup. Mais je vais y travailler. N'hésitez pas, je suis preneuse si vous avez des idées. Élie? Excellent, l'idée du chat. Je vote, je valide l'élégance. Oui, tu trouves que ça s'y prêterait peut-être davantage qu'un chien. Bon, on verra. Je vais vous faire voter en tout cas pour ça. Merci encore à tous. Voyons voir qui était encore là, même si j'ai dépassé le quart d'heure. Juliette, Claire, bravo Claire. Laurie, Astrée, Cricri, Fan Mystère, bravo Fan Mystère. Guada, salut Guada. GG, Louis, Cécile, Sophie, Steven, Elise, Andrea, salut Andrea. Et Léa Carbo, je crois que Andrea et Guada, vous n'avez peut-être pas entendu la belle surprise. Et bah, ça tombe bien, vous ne perdez rien, puisque pour nous quitter, je vais évidemment relancer cette création. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Louis Un bisou à intervient. tous, bonne soirée. Merci. Merci Louis, très bonne soirée. Eh bien, à bientôt, du coup, et encore merci pour vos réactions. Ça m'a fait plaisir. Je ne me sentais pas en monologue, encore une fois, pas du tout. C'était trop cool. Je suis contente que ça vous ait plu. Et puis, à la prochaine. C'est parti pour la réécouter. Très bonne soirée. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis un visage dissimulé. Sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Un corps, un visage, une âme, sans peur de se révéler et de te confier quelques secrets de beauté. Et sans même la voir, pouvoir la dessiner. Imagine, imagine sa beauté. Moi, c'est un visage secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincus que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. И живет на всей планете она чудесно и проста. Всем языкам на этом свете будет понятна красота. Ma rubrique préférée, c'est les auditeurs t'imaginent.